Et donc nous pouvons démarrer donc cette table ronde que j'ai la joie de modérer sur invitation de la Ferraroc, que je remercie bien sûr. Je remercie évidemment le festival Longueur d'onde aussi de nous donner l'opportunité donc de discuter pendant une heure la Ferraroc, Fédération des radios associatives musique actuelle, 30 ans de prescription musicale collective, c'est donc ce dont nous allons parler ce matin. Et avec moi donc Mélissa Poupard pour Radio Béton. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Loïc Thibault pour Radio Dio. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et enfin Elina Descher, je crois que je n'écorche pas votre nom, hein, de la Ferraroc justement. Donc la Ferraroc qui est basée à Rennes, qui a fait donc un court déplacement pour venir avec nous, mais donc des radios qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire national, un petit peu en Belgique et au Canada aussi, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez 5 cousines. Oui, oui, voilà. Et donc la Ferraroc, Fédération Nationale de Radio Associative de Musique Actuelle, qui existe depuis 1991 désormais, 25 radios en France, ces radios diffusent donc chaque mois des milliers de titres différents et permettent donc à des artistes peu ou pas exposés dans les médias commerciaux d'avoir une présence donc sur les ondes radiophoniques, et ces radios sélectionnent ensemble des nouveautés musicales indépendantes qu'elles mettent donc en avant sur leurs antennes, et donc toutes les semaines il est produit des programmes à plusieurs mains, et voilà, il y a cet enjeu de faire ensemble. Et à travers le temps, toutes ces radios ont collectivement adapté leurs pratiques, qu'elles soient techniques ou éditoriales, à partir donc de programmes communs, et aussi sur des événements où vous vous retrouvez, des événements emblématiques ou plus discrets pour certains, mais où vous co-animez donc des programmes collectivement. Alors comment ces radios, qui sont toutes différentes les unes des autres, se trouvent un commun, et comment gardent-elles leurs identités, leurs grilles et programmations propres? Voilà un petit peu pour les enjeux de cette table ronde. Pour commencer, est-ce qu'on peut connaître un petit peu mieux vos projets radiophoniques respectifs? Radio Béton, c'est une radio donc associative basée à Tours. Vous pouvez nous en dire plus, Mélissa? Oui, ben c'est à Tours, une des premières radios associatives qui est née dans les années 80, fin des années 80, début des années des radios pirates, qui étaient là pour défendre quelque chose qui n'existait pas sur les ondes, sur les grandes ondes, pour défendre des artistes qui n'étaient pas diffusés et pour les mettre en avant. Il y a toujours eu un esprit punk, parce que ces années-là, cette esthétique n'existait pas sur les grandes ondes, qu'on garde cet esprit-là encore aujourd'hui. Pardon. Et on a ici, en tout cas à Tours, mais je sais que c'est le cas sur toutes les autres radios, l'envie de défendre l'indépendance, l'esprit un peu extérieur, de penser différemment et de donner la parole aussi, au-delà de la musique, à des personnes qui n'ont pas l'occasion de le faire sur les grands médias. Et c'est comme ça que la radio a commencé, et on l'a développée même au-delà de ça, puisque notre radio crée aussi un festival qui défend en live ce qu'on défend à la radio. Alors Mélissa, je vous ai présenté via Radio Béton, mais vous avez des fonctions particulières à la Ferraroc, vous êtes coprésidente je crois? Je suis la représentante des radios Ferraroc. La Ferraroc est donc une association, mais on a une particularité de ne pas avoir de bureau, on n'a pas un ou une présidente, un ou une secrétaire, etc. On est vraiment au même niveau, tout le conseil d'administration est au même niveau, donc je ne suis pas présidente, mais représentante des radios Ferraroc. À vos côtés, donc Radio Dio, est-ce que vous pouvez vous aussi peut-être nous dire un mot sur ce qu'est Radio Dio, l'origine? On n'en a pas parlé avant, mais on ne se tutoierait pas, dans les associatives, on se tutoie. Je suis très choqué d'être vous voyez tout le temps. Radio Dio, c'est une radio qui a commencé en 79, donc dans les expériences pirates, plutôt par une bande militante, un peu anarcho-écolo. C'était plutôt une portée assez politique au tout début. En 80, je crois même, c'est la première radio de la Loire qui a déposé, ça avait l'air un peu au taquet. Et il se trouve qu'il y avait une autre hertzienne, beaucoup plus musicale, qui s'est autodétruite dans les années 80-90 et qui a maintenant, le duo de maintenant, c'est un peu l'agrégat de ce départ militant et de cette radio musicale. Et c'est un peu la combinaison de deux locales qui ont fusionné par la mort d'une autre. Y a un slogan qui est là quand même depuis le début, c'est « libre, sauvage et impertinente ». C'est quelque chose qui rythme un petit peu notre ligne éditoriale. Y a beaucoup d'infos locales, un gros lien comme beaucoup d'associatives avec le tissu associatif, le tissu militant et bien sûr le tissu culturel. Et voilà, nous on est trois pour deux équivalents temps plein, avec des multitâches un peu gigantesques dans nos boulots. Il y a une quarantaine d'émissions, 70 adhérents-adhérentes. Un choix de faire que du direct, donc tout le monde est formé pour faire du direct et autonome sans technicien salarié en tout cas. Et voilà, grosso modo, je dirais. Et peut-être qu'on va pouvoir entendre un petit peu à quoi ça ressemble, justement. Radio Béton, vous avez sélectionné un extrait, Mélissa, je crois. C'est Radio Dio qui va commencer. Radio Dio, pardon. Parce qu'on est les meilleurs. Donc je regarde le régisseur et je lui indique que je vais mettre le second. Libre. Sauvage. Libre. Sauvage et impertinente. Radio Dio 89.5, ma gueule. Vous avez entendu un bruit suspect sur les ondes du 895 ? C'est normal. Le Bandit Road, émission musicale pointue, éclectique et groovy, vous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois, de 17 à 19h, pour 2 heures d'investigation sonore. Vos esgourdes se délecteront des perles de la musique populaire des quatre coins du globe. Le tout présenté par 3 animateurs charismatiques, Monsieur Chops, le Docteur Roddy et Graham Mouchekin. Déjà 100 ans que la radio existe ? Quoi ? Ça fait déjà 42 ans que Radio Dio occupe les ondes ? Pour fêter ça, Radio Dio vous propose 2 semaines spéciales du 24 mai au 6 juin. Avec des interviews, des mix, des émissions au shaker, des lives, mais surtout de l'antenne libre, sauvage et impertinente. La France Plus, l'actualité et les archives du punk hardcore Do It Yourself International. Amour, punk, anarchie et amateurisme professionnel sur Radio Dio 89.5, la fréquence libre, sauvage et impertinente. I am live de la planète Mars et qui danse le Mia sur Radio Dio 89.5 FM. See ya. Franchement, je vais te dire une méchante dédicace de la part d'I am. T'as intérêt à l'écouter sinon. Hey, Zenzanette! Langue rebelle! Langue rebelle! Langue rebelle! Le 4e mercredi du mois. À 17h, une émission pour parler des langues. Et faire parler la langue. Sur Radio Dio. Katrevina Punching. Une présentation exhaustive donc de Radio Dio. Libre, sauvage, impertinente, donc on l'aura compris. Parlons maintenant donc programmation musicale. Puisque c'est vous êtes des radios Ferrarock avec estampillés donc. Radio de découverte musicale. Alors comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne dans vos deux radios notamment ? Qui choisit ? Comment ? Sur quels critères ? On pense aux bénévoles bien sûr. Comment on fait du coup pour gérer aussi les égos de plein de bénévoles qui veulent faire de la programmation ensemble? On commence par où? Radio Béton peut-être? Oui. Vous allez voir qu'on fait beaucoup de choses différemment. Et il faudra prendre en compte qu'on n'est que deux radios sur les 25 et qu'elles font aussi des choses complètement différentes de nous deux. Nous, on a une programmation qui est faite collectivement. Et c'est le cas déjà depuis plusieurs années. Au tout début de la radio, c'était un programmateur qui était là et qui faisait sa programmation à lui. Et ça plaisait pas à tout le monde. Et ça a été remplacé un petit peu de manière dictaturale par un collectif. Un collectif qui est un collectif de salariés et de permanents. On appelle ça l'équipe permanente parce qu'on n'est que trois salariés, mais on accueille aussi à l'année des services civiques et des stagiaires. Et peu importe que vous êtes là depuis une semaine ou depuis 10 ans, vous devenez instantanément programmateur, programmatrice de cette radio. Et on fait ça donc à 6 voix. À 6 personnes, et chacun apporte un petit peu sa patte à la programmation avec ses esthétiques personnelles, avec ses envies de défendre des artistes que peut-être, même si on fait partie d'une radio et même si on aime la musique, qu'on ne connaît pas. Et ça permet d'avoir des choses différentes et de mettre un petit peu de fraîcheur aussi à nos radios qui vieillissent de plus en plus et de ne pas avoir un ou une programmatrice déjà de plus de 50 ans avec son esthétique à lui. On apporte là cette année, on a des jeunes services civiques qui ont 21 ans et qui écoutent de la musique que moi déjà je n'écoute plus, que je n'écoute pas, qui me font des fois un peu saigner des oreilles, mais en fait, qui est une musique qu'ils défendent eux et qui n'arrivent pas non plus à défendre sur d'autres plateformes et d'autres radios. Et c'est comme ça qu'on arrive à rester, je vais dire une radio jeune, c'est pas le mot, mais à rester dans le coup et à continuer à avoir des esthétiques différentes aussi, parce que, je le disais tout à l'heure, on était estampillé radio punk dans les années 90. Et quand la techno est arrivée, ça a été un clash des générations. Dire, mais c'était quoi votre merde là? C'est pas de la musique, c'est du bruit. Et en fait, d'avoir ces jeunes. Qui disait ça à l'autre? qui défendait cette musique-là et qui arrivait en programmation, eh bien, ça a été un nouveau souffle. Et en fait, si on reste dans l'esthétique qu'on écoute nous et qu'on ne s'ouvre pas avec d'autres personnes, ben, on perd quelque chose. Et c'est toujours ce qu'on a défendu à Béton, c'est ben, d'écouter ce qu'on nous apporte aussi à nous, qu'on n'est pas programmatrice. Avec la science et la musique infuse, c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, tous les lundis, on fait une rentrée de à peu près une quinzaine de nouveaux albums. Parce que à Béton, on marche pas au single. C'est quelque chose qui nous intéresse pas, le single. Pour nous, ça ne représente pas un projet. Et du coup, on attend toujours une entrée d'album ou d'EP. Et donc, on a une quinzaine de disques comme ça qui sont présentés collectivement à l'auditeur, à l'auditrice, qu'on a une émission commune. C'est une émission que je préfère de toute ma grille, qui est une émission vraiment collégiale où chacun défend, son artiste défend son disque à l'équipe, mais aussi à l'auditoire. Et ces disques-là vivent à l'antenne, on les défend. Je dis disque parce que c'est du physique. On est une radio encore en physique. On utilise les automates pour tout un tas de trucs. Et après, vous dites que vous êtes dans le coup et jeune. et on utilise encore le disque. Et ces disques-là vivent pendant un mois. Et au bout d'un mois, on édite des tops, qui sont des top 50. Et si on retrouve ces disques dans notre top, ces disques qui ont été défendus tout le mois, ils finissent par être adoptés par la radio et être mis dans notre automate de diffusion pour rester toute la vie. Voilà. En gros, il y a encore plein de règles que je ne pourrais pas vous dire, c'est beaucoup trop long. Est-ce que Radio Duo, c'est un fonctionnement qui, qui fait écho à votre propre pratique, où je crois que vous avez aussi un fonctionnement plus original encore, ou vous on distinct, est toujours plus original distinct. Que béton. C'est, de toute façon, c'est la battle. Hein. Un réseau, c'est une battle. Et on avait dit en plus que c'était le clash ce matin. Donc, on fonctionne très très différemment, en fait. Plus original, c'était différent. Voilà. Ah. Moi, quand je suis arrivé donc en chargé de programmation musicale, j'ai aussi un peu appliqué la méthode. Du coup, j'ai pris la suite d'un autre programmateur. Et nous, on fonctionne par mix. C'est vraiment une espèce de travail de DJ. On enregistre des plages, soit en direct, soit en montage, de 30 à 80 minutes, avec des enchaînements, avec l'idée du refus un peu de la logique des transitions robotisées, pour aussi faire d'autres types de changements, une autre écoute, pour passer d'un style à l'autre de manière un petit peu différente qu'un algorithme. Il y a quelque chose aussi qui est important, c'est d'enregistrer les voix. Alors on pourrait le faire avec un robot du voice track, mais là du coup on le fait vraiment en direct sur un temps long, ce qui fait que pour pas que ça soit trop redondant, on laisse 3 ans de ces mix en rotation permanente. C'est donc moi qui fais la majorité des mix et qui garde le lien avec les labels, la boîte de programmation, qui écoute les CD, etc. Et après, je dispatche aussi tout le physique sur les émissions bénévoles, bon, ça rentre pas dans la grille de programmation. Et il y a des bénévoles qui proposent des mix aussi, mais qui font ce même montage avec les inserts voix et un vrai petit voyage comme ça qui est proposé. Et moi, il me semble que du coup, ce qui est compliqué, effectivement, c'est d'être seul, alors que la programmation musicale d'audio, c'est plein d'émissions musicales très différentes, du métal, du dub, de la basse musique, de la pop, et de réussir à trouver aussi, moi, j'ai l'impression, mon rôle de faire lien un petit peu, ce qui fait un caméléon très bordélique, forcément, de faire lien un peu entre tout ça, et aussi dans les émissions qui ne sont pas musicales, parce qu'on a quand même pas mal d'émissions de blabla, d'émissions militantes, donc représenter autant une identité musicale que éditoriale, et par des choix, je dirais, de valeur quand même, comment on programme aussi, c'est pas que de l'esthétique, c'est appliquer un petit peu la couleur d'antenne, pas trop à droite, je dirais, poliment, et appliquer un petit peu des grands mots anti-sexisme en faisant attention aux genres qui soient représentés dans la programmation, anti-racisme en faisant attention à des pays qui sont très très peu diffusés en France, des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, des pays d'Europe de l'Est, anti-capitalisme parce qu'on passe quasiment pas de major, c'est très très rare. Et après, effectivement, aussi faire évoluer, parce que l'enjeu, c'est aussi de rajeunir l'antenne pour régénérer en permanence les forces vives des émissions adhérentes. Donc effectivement, je pense que quand j'ai commencé à mettre de l'autotune, parce qu'en fait j'adore ça, les vieux rockers ont dû avoir les oreilles qui saignent. Mais en pariant sur le fait qu'il y a quand même encore peut-être des plus jeunes qui écoutent encore la radio. Mais ça, on n'en est jamais vraiment sûr, quoi. Merci. Et peut-être qu'un extrait justement de Radio Béton viendrait nous éclairer aussi sur cette programmation musicale. Vous pouvez nous en dire un mot, Mélissa ? Ce que vous allez écouter, c'est un montage que j'ai fait de plein d'émissions qui s'appelle le Béton frais, qui est donc l'émission de programmation de Béton qui a lieu tous les lundis. C'est vraiment, vous n'allez pas écouter un extrait de l'émission, mais vraiment un montage de ce qui peut se dire dans l'émission. Frais, frais, c'est l'heure du béton frais. Frais, frais, c'est l'heure du béton frais. Radio Béton. Hey, bonjour tout le monde. Hey, bonjour Enzo. Bonjour, salut. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Ouais, c'est le retour du Béton frais, l'émission consacrée aux nouveautés. Et bonne année. Et bah ouais, bonne année parce que c'est le premier Béton frais de l'année. Tous ensemble, on est jusqu'à probablement 19h. Hein, on va avoir plein de belles nouveautés à vous présenter. On profitera aussi pour repêcher quelques disques de la fin de l'année dernière qui auraient pu passer entre nos filets. Et toutes ces nouveautés qui rejoindront donc la programmation sur nos ondes. On va vous les présenter en direct tous ensemble. ensemble. Et on va commencer justement avec toi, Prune, puisque tu es en pleine forme. Big Fish, un album de 16 titres où ça n'aurait tenu qu'à moi. Il y en aurait 8, 7. Tant la moitié est quand même. Dispensable. À chier. Alors je l'ai dit avec des mots plus jolis. Oui, oui. Ce n'est pas de mon goût. Je peux le formuler ainsi. Radio Eton. Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles dans le disque. Oui, désolé, chère auditorice. Le disque a eu un hic. Ce petit incident qui prouve, hein, s'il était encore besoin, que nous travaillons sans filet et, et avec un matériel somme toute sommaire et surtout encore en disque. Et ça, c'est très très rare, même dans les radios associatives d'aujourd'hui. Oui. Qui peut se rapprocher un peu de Tame Impala, mais eux avaient ce chant en français avec un supplément d'âme. Que je ne retrouve pas en tout cas chez Turquoise Yachting Club. Néanmoins, si ça vous a plu, et même si ça vous a pas plu, de toute façon, ça sera diffusé de 10h à 11h vendredi pour l'émission Dig Dig Diggers, puisque Turquoise Yachting Club font partie de ces deux albums découvertes Ferrarock de cette semaine. Voilà, hein, je rentre régulièrement du garage Crado, où là, on a envie que ce soit vraiment enregistré avec les pieds. Là, c'est peut-être un peu trop clair par moment, surtout sur les premières chansons. Je trouvais que la batterie était trop en retrait, la voix trop en avant, tout ça dans un son un peu trop propre. T'es jamais content, toi. Hein. Mais propose-leur ton mixage. Je leur ai envoyé une maquette. Non pas Normand, mais Tourangeau. Et ça fait plaisir, puisque c'est un... Ouais. J'étais en train de regarder d'où était originaire Gérard Lenormand. il est du Calvados. Ah, incroyable. Comme quoi, hein, faut se méfier. merci Ludo. Merci Ludo. Avec plaisir. Un morceau qui finit en apothéose quand même. Hein. Ça joue à tout touche sur la batterie. Là, hein. Ah bah là, bah, attends, bah, pouf, ça touche du caisson là-dedans. Et c'est là-dessus qu'on se dit au revoir. Ciao. Salut. Au revoir. Salut. Bonne soirée à tous sur Béton. On est vraiment sur le dynamisme. Ouais, même sur la fin. Ouf, une émission, donc le Béton frais que vous pouvez réécouter en rediffusion, hein, si vous avez envie, le vendredi. Bon chance. À partir de 14h, sinon on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle cargaison de nouveautés. Je rebondis direct, j'ai mis beaucoup de moments lol, c'est vrai, mais parce que c'est une émission drôle, c'est une émission qu'on veut pas non plus sérieuse, et vous avez entendu, on clash vraiment les disques, c'est-à-dire que on les aime, mais on n'est pas là pour encenser le disque ou encenser l'artiste, mais vraiment pour donner notre avis réel, et s'il y a des morceaux à chier dedans, on va le dire. Et donc vous entendez aussi le fait qu'on diffuse les artistes en découverte de la semaine des émissions Dig Dig Diggers et de la Ferrarock, parce que c'est une aussi de nos obligations. Et là, on ne va pas s'empêcher aussi de donner nos avis sur ces partenariats-là. Et ce n'est pas parce que c'est un partenariat Ferrarock et qu'on se doit de le diffuser qu'on ne va pas en donner notre avis sincère. Impertinence, liberté éditoriale, je crois que les extraits étaient assez éclairants justement sur la liberté que vous autorisez à critiquer les disques, y compris ceux qui sont mis en avant par la Ferrarock. On va y venir justement sur Dig Diggers tout à l'heure. La Ferrarock, peut-être, pourquoi en fait avoir créé la Ferrarock ? Ça sert à quoi la Ferrarock ? À quel besoin cela répondait ? 1991, donc il y a une petite histoire désormais, hein, un peu plus de 30 ans. Voilà, c'est un outil, c'est pour faire de la représentation, c'est pour faire de la ressource. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sert la Ferrarock ? Alors en 91, j'avais 3 ans. Donc j'étais pas là, comme vous l'imaginez, à sa création. Mais la Ferrarock, elle était... Elle a été créée par nombre de radios associatives pour arrêter de se sentir un peu seule dans son coin et d'avoir un petit peu plus d'appli, un petit peu plus de visibilité, des échanges de programmation, de mutualisation de programmes, de moins se sentir, de moins se sentir seule et d'avoir un poids aussi face au label, face aux attachés de presse qui visualisent un petit peu mieux la radio et de plus être une radio locale, mais d'avoir une résonance au national. depuis tout à l'heure, on parle de Radio Duo et de Radio Béton, mais je voudrais quand même vous citer toutes les radios qui existent au sein de la Ferroque pour que vous voyez où on est, parce qu'on est partout, forcément. C'est une secte. On a 666 à Hérouville, on a Bob FM à Limoges, Canal B à Rennes, Radio Croc à Vienne, on a Distorsion à Auch, on a FMR à Toulouse, Fréquence Mutine à Brest, Jet FM à Nantes, L'Écho des Garrigues à Montpellier, Westrack au Havre, Radioactive à Saint-Brieuc, Radio Alpa au Mans, Radio Balade à Esperanza, Radio Béton à Tours, Radio Coteau à Auch, Tarbes, Radio Dio Saint-Étienne, Radio Méga à Valence, Radio PFM à Arras, Radio Pimétive à Reims, Radio Pulse à Alençon, Rage à Nîmes et Avignon, RCV à Lille, Radio Pays de Guéret à Guéret et Sol FM à Lyon. Ça fait beaucoup. Bravo. Et on les dit souvent. Mais pour vous montrer qu'en fait, on est vraiment sur tout le territoire et prenez en compte que toutes ces radios ont leurs spécificités propres. Hein. Nous, on ne parle que des nôtres, mais on aurait aimé avoir tout le monde, évidemment, sur le plateau. Mais elles ont créé la Ferroque vraiment pour s'entraider, pour aussi se répondre à des problématiques qu'on avait. On ne savait pas comment faire. Et ben, en disant, voilà, moi, j'ai tel problème. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vécu? Ça nous permet de dire, oui, moi, j'ai vécu ce truc-là. Voilà ce qu'on en a fait. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, mais au moins, on a un appui et on a des résonances dans les autres radios. Ouais, moi j'ai l'impression aussi qu'en 30 ans, c'est difficile d'évaluer ce qui a changé quand on n'était pas là, mais qu'il y avait effectivement aussi faire exister une force de diffusion face au label au moment où c'était pas si facile d'avoir des disques, qu'il y avait une nécessité d'avoir de la nouveauté en physique et que c'était pas si simple. Et ce qui est très très différent maintenant, parce qu'on aimerait avoir moins de musique dans nos boîtes mail, ça serait vraiment beaucoup plus pratique dans nos tafs. Et quelque chose qui, à mon avis, aussi, s'est quand même vraiment créé sur ce truc musical à la base. Moi, je sais que j'ai un souvenir d'ado de regarder les classements dans des fanzines des débuts de la Ferraroc, de regarder les classements de duo, de primitive, etc. De rêver qu'il y ait une Ferraroc en banlieue parisienne, mais c'était nul. Et que ça aussi, ça s'est transformé, j'imagine, au fur et à mesure de toutes les équipes. Et ce que nous, on fait encore, parce qu'un radio, un réseau, il est en permanence en train de se remodeler et que les objectifs ont changé, mais ça, on va en parler sur les mutualisations, les échanges et les coups de main qu'on peut se donner. Elina, justement, vous êtes salariée de la Ferraroc, donc vous êtes une petite cheville ouvrière du réseau. Comment a évolué le projet associatif? Où se concentre désormais aussi l'énergie du réseau? Ben, c'est un peu ce que disait Mélissa, toutes les radios sont pas du tout structurées de la même façon. Certaines fonctionnent avec 5 salariés, d'autres avec un ou une salariée. Donc en fait c'est ça, c'est voir comment est-ce qu'elles peuvent être toujours indépendantes sans être seules. Aussi se partager des découvertes musicales de chaque de leur territoire. Je pense que ça c'est quelque chose qui est important pour chacune d'entre elles, puisqu'elles ont toute une empreinte locale qui est hyper importante pour elle, et donc de permettre à des artistes de Lille d'être découverts à Tours. Voilà, je pense qu'il y a ça. Après, ouais, elles s'échangent des process techniques entre elles. C'est un effort qui est, enfin c'est des envies collectives de partager des process, de partager des façons de faire de la radio, des techniques d'animation, de... Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter pour... J'acquiesce tout ce que tu dis. Alors, les plus aguerris ont reconnu le badge de Fréquence Mutine, qu'arbore donc Loïc sur sa veste, donc Fréquence Mutine et la Ferraroc brestoise. N'hésitez pas à aller à la foire aux disques de Fréquence Mutine, aujourd'hui même à la Carène, cette extraordinaire foire aux disques annuelle donc, qui a lieu aujourd'hui pendant le Festival Longueur d'onde. Incroyable, n'est-ce pas? Donc allez-y. La Ferraroc, donc, regroupe, vous avez cité, et on a pu aussi donc comprendre qui était mieux et où elles étaient disséminées. Moi, je ne les connaissais pas toutes, par exemple, donc c'était assez éclairant. Voilà. Une fois qu'on est à la Ferrarock, du coup, il y a des contraintes. Qu'est-ce qui est fixé aux radio-adhérentes ? Il y a un socle commun, il y a quand même des valeurs. Et qu'est-ce qu'il y a comme contraintes et quelles exigences de réciprocité entre radios, finalement ? N'importe quelle radio ne peut pas devenir une radio Ferrarock. Ouais. C'est la différence avec une secte. Faut avoir beaucoup de thunes. Non, mais oui, il existe certains critères. Déjà, il faut être une radio qui a envie d'être en réseau, mais de garder son esprit à elle, mais d'être un esprit, comme on le dit, libre, indépendant, de ne pas être formaté. Lorsqu'une radio a envie d'être une radio Ferrarock, elle est écoutée par le conseil d'administration. On regarde un petit peu ce qu'elle fait dans sa grille, dans son ancrage local, pour pas qu'on trouve une radio qui nous ressemble, parce que de toute façon, on ne se ressemble pas, mais pour qu'il y ait un fond, un esprit qui nous ressemble. Ouais, puis c'est toutes des radios dites de découverte musicale, donc qui diffusent majoritairement de la musique et de la musique émergente, alternative. Ça, je pense que c'est aussi un des socles communs des radios de la Ferrarock. Après, au niveau des contraintes, donc une fois que la radio est adhérente à la Ferrarock, elle s'engage à diffuser une émission nationale collaborative, Dig Dig Diggers, dont je m'occupe de coordonner cette émission. Et donc dans cette émission, on retrouve deux albums qui sont soutenus par la Ferrarock. Ces deux albums-là, ils sont sélectionnés aussi par toutes les radios du réseau. Donc pareil, il y a un engagement d'écoute de ces disques-là. En fait, je reçois tous les jours des demandes d'albums pour être soutenus via la Ferrarock. Donc par les labels, les attachés de presse, etc., que je propose ensuite à la commission d'écoute de la Ferrarock, qui est constituée, encore une fois, de toutes les radios du réseau. Et ce n'est pas le cas au début, d'ailleurs. Non, c'était uniquement le conseil d'administration qui décidait si oui ou non elle soutenait ces disques-là. Et donc, une fois que les radios ont voté, s'il y a la majorité, on convient d'une semaine où le disque est diffusé par toutes les radios du réseau. Donc les radios doivent aussi s'engager à diffuser ce disque-là, même si elles n'ont pas forcément voté pour, mais c'est il y a une confiance mutuelle qui se crée. S'il y a la majorité, voilà, elles le diffusent, et elles diffusent aussi l'interview qu'on organise. Je veux juste préciser un truc quand on dit diffuser, là. Et par contre, on n'a aucune obligation de le mettre en rotation. Et on doit passer le disque à en parler. Vous avez vu comme il y a aussi... Enfin, je veux dire, on n'achète pas notre antenne, et je trouve que c'est important. On va parler du disque, on va dire ce qu'on en a pensé, en bien et en mal, voire les deux. Et c'est vrai que c'est... À la différence, on pourrait penser, par exemple, c'est pas du tout comme un fonctionnement d'un réseau à la France Bleue. Hier, je discutais avec une radio qui est dans la salle, qui hésite à rejoindre la secte. Et à un moment, j'ai cru que j'étais enfin clair en disant, c'est comme si on était dans la même manif, mais avec nos pancartes respectives. Et on va dans le même sens, mais c'est vrai qu'on garde nos singularités et il n'y a pas d'obligation. On doit jouer ces trucs-là, mais il n'y a pas d'obligation à l'aimer non plus, quoi. Oui, chaque radio a sa façon de le jouer, de l'éditorialiser aussi. Ça, elles sont complètement indépendantes sur la façon de faire. Mais vous aviez tout à l'heure précisé que vous étiez 2-3 salariés. Voilà, le format des radios associatives, c'est souvent ça. Vous avez le temps ? C'est quoi le poids de la dynamique contributive ? Du coup, où est-ce qu'on trouve ce temps-là dans son fonctionnement, dans son association ? Le temps associatif est une lourde question. La multiplication des tâches, c'est tout ce qu'on doit y faire. Mais par exemple, la commission d'écoute, elle est pour nous ultra importante. Hein, pour nous, si on se doit de diffuser un disque, on se doit d'en donner son avis. Donc un temps est dégagé spécialement pour ça. Elle fait partie de la programmation de la radio. Pour nous, ça fait partie du même temps. On programme des disques pour nous, mais on programme aussi des disques, entre guillemets, pour la Ferrarock. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un endroit, par contre, où pour moi, c'est le même taf. C'est-à-dire que je vais écouter les disques de La Ferra, mais finalement, c'est des disques que je vais recevoir aussi dans la boîte de Radio Dio. Donc, porter mon attention sur ces disques-là, ça crée un focus. Il y a régulièrement des disques qui ne sont pas retenus parce que la majorité des radios Ferra ne sont pas d'accord avec moi. Et notamment sur certaines esthétiques qui sont un petit peu moins représentées peut-être, et que après je vais mettre en avant parce que je les ai découverts là-dedans. Et du coup, ça fait partie d'un package. Autant on parlera Dig Dig Digger, c'est vrai que ce temps-là, il est parfois compliqué à dégager. Autant finalement, tout le monde fait de la prog. Donc ce focus-là, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui rajoute... C'est pas là mon pire problème dans ce qui m'amènerait au burn-out, en tout cas. Pour bien connaître aussi la Ferra Rock, puisqu'elle est à Rennes, et donc moi je travaille pour la CORLAV, la Coordination Radio Locale Associative Bretonne, donc on se voit, on a des échanges réciproques, et je sais que voilà, la Ferra Rock a aussi une dynamique de réseau, où elle produit du plaidoyer, où elle investit des instances pour défendre des approches esthétiques, des approches sectorielles très fortes, les contrats de filière auprès donc de la DRAC, auprès du CNM. Tout ça, ce sont des interlocuteurs réguliers de la Ferra Rock. Le radio de découverte musicale que vous disiez tout à l'heure, bah, c'est aussi une victoire de la Ferra Rock vis-à-vis de l'ARCOM, un statut singulier qui a longtemps été figé, et avec donc, pour ceux qui connaissent bien, des pourcentages qui ont évolué et qui ont permis quand même de soulager, de rafraîchir aussi les choses. C'est peut-être pas très développé, mais c'est les 40% de quotas français qui ont effectivement été évolués pour assouplir et s'adapter un petit peu aux spécificités des antennes. Xavier parle. Et la Ferra Rock, vous pensez que du coup que toutes vos radios ne diffusent que du punk et du rock, mais c'est pas tout à fait ça, on est d'accord. Rappelez-moi les esthétiques, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a évolué et qui évoluera encore, j'imagine. Tu viens de toucher un point sensible là. C'est une discussion qui revient très régulièrement sur le nom Ferra Rock. On n'est pas tous et toutes d'accord sur sur notre manière de penser ce nom-là, mais oui, les esthétiques sont toutes représentées. Évidemment, il y a une majorité rock parce qu'on a des vieilles radios. Des vieilles radios punk et rock, et que les programmatrices sont encore dans une majorité de ce style-là. Et quand ben, tu votes, toi, pour les esthétiques, les disques de... Pardon. Si tu votes en commission d'écoute pour un disque avec ton esthétique personnelle, ben, tu vas être plus sensible. Moi, si je mets mes services civiques à la commission d'écoute, ça va bousculer tout. Pour l'instant, on est encore dans une esthétique rock. Oui, on va pas se le mentir, mais on évolue, on change, on a beaucoup de choses différentes. Les musiques traditionnelles, par exemple, c'est quelque chose qui réfléchit aussi désormais au sein du réseau et par vos radios. Mais le terme musique traditionnelle fait partie des musiques actuelles, et c'est vrai que je pense certaines radios diffusent des musiques trad sans le savoir. Je pense que les radios de la Ferra Rock s'ouvrent à une diversité d'esthétiques, même si effectivement il y a une empreinte rock qui est d'un point de vue historique, qui est plus un état d'esprit, mais qui est encore présent. Et c'est vrai que les musiques trad, mais comme la musique électronique, est de plus en plus diffusée par nos radios. Et après, c'est aussi nous, au niveau du réseau, d'infuser... Voilà, de la diversité, que ce soit esthétique, au niveau aussi des représentations des artistes qu'on diffuse. Mais chaque radio reste indépendante. Donc on discute, on infuse, on échange, on parle de musique. Moi j'ai l'impression... Alors en plus c'est compliqué parce que Béton et Dio, on n'est pas franchement les radios les plus rock du réseau, donc pas forcément très très représentatives. Moi sur ce qu'on pourrait appeler trad, néo-trad et tous les courants, moi j'ai l'impression que c'est ce qui se fait de plus rock depuis 10 ans en vrai. C'est un peu dans tous les pays du monde en train de brasser à la fois des cultures locales, régionales, en les détruisant de manière assez punk, avec des sons électro, hip-hop, avec plein de choses, noise. Et du coup, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. Nous, on a un vivier. Alors Saint-Étienne, c'est tout au nord un peu de la sphère occitane. On a une culture arpitane qui s'appelle entre l'Occitan et le Franco-Provençal, où il y a un vivier dans le Massif central, etc., qui font du drone en même temps que des balles folk. Et en fait, suivre ce qui se passe dans notre région, c'est suivre ça, c'est obligé. Et finalement, moi, ces concerts-là, je les trouve plus rock qu'un quatuor de guitare de quatre gars avec des blousons en cuir. Après, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi dans l'affaire rock, qui vont hausser les sourcils au moment où ils écouteront cette phrase. Et ça, c'est la vie de la diversité du réseau, quoi. Donc le réseau qui sélectionne, qui produit des émissions ensemble, peut-être qu'on peut écouter un extrait aussi pour aussi voir à quoi ça ressemble. Ouais, l'extrait que vous allez écouter, c'est... c'est une introduction de Dig Dig Diggers, enfin une des introductions, où du coup, donc là c'était Ludo, en l'occurrence de Radio Béton, qui présente les deux albums découverts de la semaine, et La Carte Blanche, qui est un troisième module dont les radios peuvent s'emparer, soit pour présenter un artiste local, ou alors pour présenter un événement sur lequel les radios Ferrarock vont être partenaires. Dig, dig, dig. Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, dans Dig Dig Diggers, deux nouvelles découvertes Ferrarock. C'est la plus grande découverte de toute l'histoire. Dans un premier temps, Jordan, de la radio Mega à Valence, a tendu son micro jusqu'au Québec via le World Wide Web pour joindre Tristan Lacombe, membre du trio Population 2. La formation vient de sortir Électron Libre du Québec, un nouvel album paru sur le label Bon Sound pour une bonne dose de fuzz et d'improvisation. La seconde découverte Ferrarock sera quant à elle consacrée à Confidence, album du duo énigmatique Koi, qui vient de paraître chez IoT Records. Je sais pas toi, mais moi le mystère c'est péché. Un mystère que tentera de percer Marcus, de Radioactive à Saint-Brieuc, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec le binôme. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. La fin de l'émission sera toujours avec la présence de Marcus, qui, cette fois-ci, sera en compagnie de Philippe Le Breton, programmateur des Bars en Trance, pour présenter l'édition 2023 du festival, qui aura lieu du 7 au 9 décembre. Quelquefois c'est toi qui cogne le bar. Mais d'autres fois, c'est le bar qui te cogne. Et à présent, c'est donc direction le Québec pour rejoindre Population 2. Passagers du vol 813 sont priés de se présenter à la porte B pour embarquement immédiat. Dig, dig, dig. Dig, dig, diggers, donc l'émission emblématique mutualisée de la Ferrarock. Alors le format, vous pouvez nous en dire un mot ? C'est un format d'une heure et du coup les deux présentations des albums c'est 20 minutes chacun et on a un 16 minutes sur l'autre sujet, donc la carte blanche. Donc vous pouvez retrouver tout ça évidemment en ligne hein, sur le site de la Ferrarock, c'est de la radio et c'est désormais aussi du podcast. Elina ? Oui. Mais la radio, c'est du podcast en direct quand même. Est-ce que le terme podcast natif va arriver ? Oui, vous pouvez retrouver toutes les émissions qu'on produit sur site internet de la Ferrarock. On le diffuse sur toutes les plateformes, pareil, de podcast. Oui, très bien. Les artistes, on a compris, vous avez une attention particulière pour que les trouver, leur donner la parole, etc. Alors eux, ils sont parfois cachés derrière des labels ou des attachés de presse, ceux qui polluent vos boîtes mail parfois. Mais quelles sont leurs attentes en fait, ces artistes-là, les acteurs des musiques actuelles, les actrices des musiques actuelles? Est-ce qu'elles estiment votre réseau parce qu'ils labellisent, ils étiquettent, ils donnent une image de marque, ils créditent Est-ce que la Ferrarock permet à ces artistes de progresser voilà. Quel retour vous avez aussi des acteurs et actrices des musiques actuelles ? Y a plein de typologies différentes d'artistes qui viennent vers nous. Parfois, c'est les artistes eux-mêmes directement parce qu'ils ne sont pas accompagnés qui viennent nous voir. On a aussi des labels indépendants qui viennent nous voir, mais pareil, ils sont pas du tout structurés de la même façon. Certains sont des gros indés, comme on les appelle, où voilà, il y a une force de production qui est très présente. Et il y a d'autres labels qui vont être plus structurés de façon associative, où il ne va pas y avoir de salariés pour travailler. Et qui vont soutenir des artistes qui ne sont pas forcément dans les circuits classiques de diffusion. Pour autant, c'est des artistes professionnels, mais qui vont rester dans une pratique amateur. Et nous, c'est particulièrement ces artistes-là qu'on va chercher, qu'on veut soutenir. Alors, certains vont être diffusés d'abord sur les radios asso, puis vont pouvoir prétendre accéder à d'autres médias, mais pour beaucoup, on soutient, ils vont être diffusés uniquement sur les radios associatives. T'es pas d'accord? Si. C'est vrai que moi, je trouve toujours ambigu, c'est effectivement comment on nous voit et c'est quoi notre rôle. C'est dur de répondre vraiment à cette question. Il y a des fois, autant Radio Duo que l'affaire Rock, j'ai l'impression que ça peut être considéré comme une espèce de tremplin pour passer vers quelque chose de plus gros, entre guillemets. Il y a en même temps des projets qui sont par essence, je trouve, très Ferrarock, et même dans des esthétiques variées, des Laetitia Sheriff, des Armes, qui sont là depuis hyper longtemps, et qui finalement ont une espèce de projet qui colle hyper bien au réseau aussi. Il y a des fois, effectivement, on apprend aussi à lâcher des trucs qui grossissent. Nous, à Saint-Té, là, il y en a qui sont allés aux Victoires de la Musique. Bon, on a passé leur premier single, mais maintenant, bon, il n'y a plus trop besoin de nous. Puis bon, c'est pas forcément exactement notre esthétique. Et c'est vrai que ces trucs-là, comment on fait l'aller-retour, c'est un compliqué. Sur Dig Dig, je trouve qu'on a oublié un truc, c'est quand même préciser la carte blanche, parce que justement, c'est assez récent. Et ça permet aussi un truc dans l'autre sens, c'est de se dire, on a le droit de choisir. Et nous, on l'utilise pas mal en local pour aussi faire remonter dans la mutualisée des gens qui n'ont pas du tout ce budget-là, qui ne sont même pas dans ce truc de l'émergence, de chercher à se professionnaliser, qui ont une pratique d'amateurisme professionnel, comme on aime bien dire, mais qui ont besoin d'être diffusés parce que là, c'est sûr, il n'y a personne d'autre qui le fera. Il n'y a que nous pour faire ça. Ça ne sera jamais sur Radio France, ça ne sera jamais sur les commerciales. Et ce travail-là, il est hyper important à continuer. Parce que certes, il y a des diffusions web partout, mais la ligne éditoriale et la proposition de trouver ça et de le proposer en local aux auditeuristes, voire en national quand on arrive à le mutualiser, ça fait quand même vraiment sens, je pense, pour les groupes. Mais du coup, la Ferrarock et vos radios sont des outils de promotion ou de prescription musicale? Moi, quand j'ai des chouchous, tout le monde le sait à Saint-Té. Hein. Mais quand j'aime pas, je passe pas aussi. Hein. Enfin, il y a ça quand même, mais ça, c'est normal. Donc, Vous disiez tout à l'heure, Mélissa, que vous êtes totalement libre de critiquer, de dire que le morceau 8 de tel album est à chier. On a entendu que personne ne s'embarrassait pour le dire à Radio Béton. Donc du coup, la promotion, d'accord, mais avec ce degré critique et ce degré aussi de... On a droit de dire à un artiste que son dernier album n'est pas génial ? On a le droit et on doit le faire. Pour nous, c'est essentiel d'être critique dans ce qu'on rentre. Mais on rentre que des trucs qu'on aime bien. Enfin, je veux dire, c'est pas... On critique, c'est des critiques constructives. On s'embarrassera pas de rentrer des choses qui nous plaisent pas. Mais tout ce qu'on rentre, on l'aime, on le défend, mais on a le droit de le critiquer. Ça reste une critique impertinente. Mais je change complètement et je vais nous poser une question parce que je vois que le temps va manquer pour quelque chose qu'on avait quand même fortement envie de discuter. C'est qu'on prend aussi ce Dig Dig Diggers pour montrer des choses qui n'existent pas encore assez et qu'on a envie de défendre. Et on a un groupe de travail sur la Ferrarock qui est le GT Égalité et qui fait pas mal de choses pour la parité dans la diffusion. Et ce Dig Dig Diggers est là aussi pour mettre les femmes et les minorités de genre en avant, parce qu'on trouve que ça manque encore beaucoup. On fait des comptages et on n'est pas encore bon, on le sait. Et on essaye de mettre cette balance on va pas être à l'équilibre, hein, cette année 2024 on sera pas à l'équilibre, mais d'essayer d'en mettre plus en avant. Et ça, c'est un travail qu'on fait aussi collectivement, de prendre les cartes blanches pour en mettre en avant. Elina fait un travail de fou aussi pour aller chercher des projets qui n'ont pas peut-être qui ne se disent pas légitimes à venir, ou qui ne s'en sentent pas en tout cas légitimes à venir, ou qui n'ont pas un accompagnement assez soutenu pour faire cette démarche. Et ça, c'est un projet qui nous tient à cœur pour 2024. Et toutes les radios n'en sont pas du tout au même stade sur ces questions-là. Et comme je disais tout à l'heure, au niveau du réseau, on ne peut rien imposer, mais on peut infuser. Et effectivement, c'est compliqué parfois, on se heurte, mais voilà, toutes les radios n'en sont pas au même stade au niveau de la, sur la question de la programmation au talent. C'est aussi, on touche aussi à un aspect du programmateur ou de la programmatrice qui est très, qui a beaucoup de pouvoir et qui ne veut pas, qui voilà, c'est son avis à lui, et de devoir prendre en compte des quotas, etc. On n'en est pas du tout à ce stade-là aujourd'hui, mais effectivement, voilà, on infuse, on en parle, on va chercher, et on espère arriver à plus de représentations. Est-ce qu'on pourrait presque que genrer un automate de diffusion? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Est-ce que pour veiller à ce qu'il y ait la parité sur vos ondes, que les artistes féminines notamment, que vous allez chercher, découvrir, puissent avoir une notoriété, un espace de valorisation, est-ce qu'on pourrait dire, j'ai 10 000 titres dans ma bécane, et ben je vais veiller à ce qu'il y ait 50% d'artistes féminines? Bah, si tu utilises un robot, c'est sans doute possible, hein, c'est un tag après tout. Mais moi, je fais des mix, donc en fait, il faut que je me tague ma tête surtout. Ce que moi, je trouve intéressant dans ce travail qui s'entame, c'est surtout de réfléchir à comment on peut modifier nos pratiques, avec cette impression qu'il y a beaucoup plus de disques d'artistes masculins qui sortent, mais justement, mettre en place là un outil un peu de mutualisation, de repérage, pour partager un petit peu les découvertes et les coups de cœur, essayer de se dire que bon, tout le monde n'aura pas la même position là-dessus, bien entendu, et que après les personnes qui ont envie d'essayer de travailler ça, j'ai l'impression que le travail dans nos têtes est plus important que celui d'un ordinateur, parce que objectivement, pour effectivement réussir, on a peu de temps de travail, on peut pas rentrer des centaines et centaines de disques. Moi, je finis par me dire qu'il va falloir effectivement, si par exemple il y avait un objectif, je pense pas vraiment en termes de quota, mais d'augmenter encore la part des projets féminins et non genrés dans la programmation, il va falloir que ça se fasse au détriment d'eux, parce que j'ai pas le temps matériel. Donc, mais ça, je vais pas demander à la radio d'à côté de réfléchir de cette manière-là non plus. Non, mais en même temps, chaque radio, enfin, en tant que média, en tant que radio et en tant que programmatrice, on a une responsabilité. On fait des choix de ce qu'on choisit de diffuser et de pas diffuser. Et en ce sens, il y a une responsabilité. Et je pense que ce que j'essayais de dire, c'était le côté du programmateur qui programme en fonction de ses goûts et ses envies, alors que il y a du changement dans la société, il y a un wagon qui est en train de passer où il faut le prendre maintenant, et on a une responsabilité à ce niveau-là. Alors, on est ici au festival Longueur d'onde, mais les festivals, c'est aussi des endroits où la Ferra Rock est représentée très régulièrement, avec donc en plus cette capacité à être partout, avec l'ensemble de vos adhérents. Donc, sur l'événementiel, vous co-animez, vous faites appel aux radios volontaires. Comment ça se passe précisément? Est-ce que du coup, il y a une radio qui pilote parce que c'est la radio du coin? Comment vous arrivez à vous entendre pour couvrir l'événementiel comme ça? Voilà, on couvre une dizaine de festivals par an. Donc effectivement, en fonction de la localisation du festival, s'il y a une radio qui est proche ou qui est dans la ville, elle va effectivement être la radio un peu lead, donc c'est elle qui va fournir le matériel technique. Après, on fait un appel à participation des radios qui sont partantes pour venir co-animer un plateau. Et en fait, voilà, c'est au lieu que chaque radio, indépendamment de son côté, fasse son petit contenu de son côté, on mutualise les plateaux. Et on partage des techniques différentes d'animation. Et je pense que voilà, on fait de la musique, on fait de la radio pardon, ensemble. On parle de musique ensemble. Et on expérimente aussi des nouvelles façons de faire de la radio. On a couvert l'année dernière donc le festival Hop Hop Hop à Orléans avec le vélo studio de Radio Méga à Valence. Donc on était en itinérance dans la ville d'Orléans à recevoir les invités sur le vélo tout en étant en direct avec une régie centrale qui faisait le lien. Donc c'était assez ambitieux comme projet d'un point de vue technique et forcément à l'antenne ça s'entend. C'est du coup façon d'animer puisque on est vraiment en immersion dans la ville et pour les artistes aussi c'est quelque chose de ça change des interviews classiques d'entre quatre murs donc il y a d'autres choses qui se disent et ça s'entend et voilà c'est une autre façon de faire de la radio. Au Transmusical aussi on était en triplex puisqu'on avait deux équipes qui étaient en simultané dans différents endroits à Rennes qui recevaient des artistes dans les bars où ils allaient jouer. Donc pareil, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce festival il se passe à Rennes et pas ailleurs. Et c'est des moments qui sont assez forts pour la vie de la fédération parce que les radios le feraient pas toutes seules de leur côté, ils testeraient pas forcément ce genre de choses. Et là, le fait d'être ensemble, ça permet d'expérimenter, de tester. Et c'est pour nous, c'est des moments dans la vie de la fédération qui sont assez forts puisque ça regroupe beaucoup de personnes des radios et on apprend à se connaître aussi comme ça. C'est un petit challenge technique, finalement, que vous fixez comme ça. Moi, ça m'a permis de faire un direct dans un train fantôme, et franchement, je suis trop content. Quoi. Peut-être qu'on peut écouter, justement, l'extrait d'une émission en événement pour voir, justement, quelle énergie est proposée aux éditeurs. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue en direct des radios de la Ferraroc. Nous sommes toujours et encore à Saint-Malo ce soir pour vous accompagner durant cette première heure d'émission entre 18h et 19h avec un programme pas piqué des hannetons comme disent les jeunes. Bah, bah, bah, bah. Et oui, un programme de haute volée que l'équipe autour de cette table a mis du cœur à préparer pour vous. Alors je ne vais pas tout vous annoncer parce que je pense qu'il est important de se garder quelques surprises. Sachez en tout cas qu'en termes de musique, nous aurons le plaisir de recevoir le collectif Zone Rouge. Et voilà. Non, il n'y aura pas que ça. Il y aura également du travail d'investigation sur le terrain, hein, comme on dit, puisque, comme nous l'a dit hier, je ne me souviens plus du nom du directeur d'ailleurs. François Fleury. La route du rock, c'est avant tout aussi une expérience. Nous l'avons pris au mot et nous sommes allés vivre l'expérience bretonne. Alors, vous qui êtes autour de la table, est-ce que je vous représente tous? Oui, nous avons Louis de Bob FM. Limoges. Voilà. Ludo et Pablo de Béton qui sont avec nous. Ça passe tellement moins bien. On peut pas avoir un nom de ville aussi cool que Limoges. Voilà. Ludmila qui est là également. Tu es la seule à avoir un micro, donc je me présente. Bonjour. Bonjour. De Canal B, qui est avec Eric, qui vient d'arriver tout fraîchement. Bonjour. Il est arrivé. Eric. Il arrive pile à l'heure. Donc Limoges, Tours, Rennes, et on se retrouve tous à Saint-Malo. Donc c'est aussi pour vous des occasions de vous retrouver. Ces festivals, et c'est quoi? C'est les salariés? C'est plutôt les bénévoles qui viennent? Ou les deux d'ailleurs? C'est un peu des deux, des salariés, des bénévoles, des membres du conseil d'administration. Mais c'est vrai que ce sont des temps très fédératifs. On échange plein de mails, on se voit en visio, etc. C'est très sympa, mais c'est quand même le cœur de nos métiers, c'est d'être ensemble et de faire de la radio. Et ça nous permet aussi des échanges de pratiques, finalement. Moi, j'ai l'impression que dans nos quotidiens locaux, où on est quand même vraiment isolé, où on a un côté tête dans le guidon, avoir beaucoup de mal à sortir de nos réalités, c'est aussi des moments où on se renforce. Parce que c'est vrai que des fois, il y a un peu un jeu t'aime moi non plus. Oh, j'aurais voulu que ce truc y passe. Oh non, ce disque-là, il est nul, j'en ai marre. Mais là, quand on est là, on se rend compte aussi que la manière dont on fonctionne ensemble, on est powerful, quoi, tout simplement. On arrive au trans, on est 35, et là, on fait une espèce de direct complètement dingue dans toute la ville, alors qu'on voit d'autres radios beaucoup plus grosses qui ont un truc fixe, et on se dit, mais ouais, en fait, on peut le faire, c'est trop bien. Et ça, moi, dans ma locale, c'est évident qu'on ne peut pas du tout penser ce type de projet. C'est là où il y a justement cette charnière qui est intéressante. Par contre, pour la question, nous, les bénévoles, en vrai, ils s'en tapent un peu de l'affaire. Il y a des bénévoles qui commencent à aller couvrir les festivals, mais on a du mal à faire infuser. C'est vrai que moi, je trouve que c'est une question assez compliquée. Je pense que ça dépend des profils des radios, vachement, et la manière dont on construit aussi. Mais peut-être que vous collectivisez mieux, donc vous faites mieux ça que nous, parce qu'on est... Ben, on fait mieux. Après, il y a aussi, au-delà, il y a des bénévoles qui sont présents, mais il y a aussi des personnes qui sont en service civique. Puisque c'est aussi des moments pour elles d'apprendre et ça c'est quelque chose aussi auquel on tient d'être dans la pédagogie dans ces moments-là et je pense que pour un service civique qui arrive en festival au transmusical avec des professionnels de radio et bon, qui peuvent être assez charismatiques par moments de les de voilà, d'apprendre à les connaître, de faire de la radio avec elles et voilà, qui veut vient en fait. La Ferraroc, Radio Campus, des fédérés régionales, des syndicats professionnels, le secteur radiophonique est structuré autour d'entités, voilà, que ce soit disciplinaires, artistiques, régionales, géographiques, etc. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on est des radios associatives, avec un statut, un cadre organisé par la loi. Et ce qui nous distingue, c'est qu'on n'est pas des radios commerciales. Et j'aimerais que vous me disiez, vous aussi, qu'est-ce qui vous différencie finalement des radios commerciales? Tout. Nous, notre CA a renouvelé et le fait un peu régulièrement, la volonté qu'il n'y ait absolument aucune publicité sur notre antenne, pas même de jingle qui fasse la promotion d'autre chose que ce qu'on organise nous-mêmes. Donc, là, sur un truc assez puriste quand même en termes de communication. Il y a effectivement aussi cette idée de se dire, comme on l'a dit avant, en fait, on n'achète pas notre temps d'antenne en passant de la musique et on gardera toujours notre liberté de ton dans la mesure du possible, parce que là, on fait les malins malines, mais bon, il y a des moments où, quand on parle de subventions locales, par exemple, les choses sont un peu plus compliquées. On est dépendant de subventions publiques qui fondent. On est de plus en plus obligé aussi de se transformer en espèce de boîte de presta pour trouver des thunes pour survivre. On nous impose de passer en DAB+, et d'avoir une relation avec une entreprise privée pour l'avenir de la radio, alors que Dio a toujours eu son propre émetteur à auto-émi, et monter une boîte, c'est pas du tout dans l'ADN de la manière dont s'est construite cette radio, et moi en tant qu'héritier salarié de ça, ben, on est comme plusieurs radios, en vrai questionnement sur le fait de... Est-ce que c'est juste la fin des radios libres dont on est héritière? Est-ce que c'est juste le moment de faire un feu d'artifice et un gros doigt et puis de se suicider en beauté en faisant une grosse fête? Est-ce qu'on continue? Je pense toutes ces questions-là, j'imagine pas une seule commerciale qui se les pose, en tout cas. Tout pareil. Mais oui, pour moi, la différence, c'est l'impertinence. C'est de pas être... de faire ce qu'on veut, avec nos moyens plus que modestes, nous on a vraiment aucune aide subvention, on a la subvention du fonds de soutien à l'expression radiophonique, mais nous c'est tout, on n'a pas de subvention locale, régionale ou départementale, on n'a aucune subvention et ça nous empêche pas de dire ce qu'on veut et du coup de penser et ouais, d'être vraiment libre de tout ce qu'on veut faire. Merci à tous et toutes d'être venus aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas, on peut continuer à échanger derrière. Voilà. Et puis, écoutez les Ferraroc. Bon, je voulais te remercier pour l'organisation, la structuration, la modération. Et remercier aussi Léo, qui a la technique derrière la vitre. Ah, qu'on voit quand même un petit peu derrière sa vitre teintée. Merci à vous d'avoir été là. Merci.